Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ô toi qui t'emmitoufles dans tes vêtements, lève-toi la nuit pour prier et n'en accepte qu'une petite partie. Ce sera sa moitié, un peu moins ou un peu plus. Et récite le Coran de ta plus belle récitation. Nous allons bientôt te faire porter de lourdes paroles, la prière du réveil nocturne est d'un impact plus profond et les paroles en sont plus justes. Tu as en vérité de longs moments d'activité pendant la journée. Évoque le nom de ton Seigneur. Voue-toi exclusivement à son culte. Il est le Seigneur du levant et du couchant. Il n'est point d'autre divinité que lui. Prends-le donc pour unique protecteur. Prends en patience ce qu'ils disent et déserte-les de la désertion la plus sereine. Laisse-moi avec les contradicteurs, qui sont privilégiés par les biens de ce monde. Accorde-leur quelques répits. Nous disposons pour eux de lourdes chaînes et d'un ardent brasier, d'une nourriture qui étouffe et d'un supplice très douloureux. Ce jour-là, la terre et les montagnes s'ébranleront et les massifs se mueront en dunes de terre mouvante. Nous vous avons envoyé un messager qui témoignera contre vous. Comme nous avions déjà envoyé un messager à Pharaon. Pharaon ayant désobéi au messager, nous sévîmes contre lui d'une façon implacable. Comment, si vous m'écroyez, pourrez-vous donc vous protéger d'un jour où les enfants seront chenus? Le ciel alors en sera fendu, car sa promesse à lui se sera accomplie. Voilà qui est un rappel. Prenne donc qui voudra le chemin vers ton Seigneur. Ton Seigneur sait que, toi et quelques-uns de ceux qui t'accompagnent, vous vous levez pour prier durant les deux tiers, parfois la moitié et parfois le tiers de la nuit. Or, c'est Allah qui s'est estimé la durée de la nuit et du jour. Il sait que vous ne pourrez passer toute la nuit à prier et vous pardonne. Récitez donc ce que vous pourrez du Coran, car Allah sait que parmi vous il y a des malades, que d'autres ont à parcourir la terre pour quêter les faveurs d'Allah, que d'autres encore combattent pour la cause d'Allah. Récitez-en donc ce que vous pourrez. Accomplissez la salate. Acquittez-vous de la zakat. Faites à Allah un prêt de bonne volonté. Tout ce que vous aurez avancé comme bien pour vous-même en ce bas monde, vous le trouverez bien meilleur auprès d'Allah et bien mieux récompensé. Implorez le pardon d'Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux.